Aïe, aïe, RIFA, cousin, 89. Je suis la bête noire qui s'impose à l'extérieur comme à domicile. Oui, c'est un homicide. L'MC prenne mes 16 pour des missiles. Même si ça sent la dope ici, j'arrête pas la musique. C'est comme si tu voyais le Barça se mettre à dos. Mais si j'essaie de rester précis, quoi, pour apprécier la victoire. Mais bon, c'est difficile quand la haine a envie de toi, évidemment. C'est avec le rap que je me vide, moi. On vit dans la merde, on s'enfonce plus en fin de mois. J'ai faim, moi. Et non, je peux pas me contenter d'une part, j'ai qu'une parole. Goûte à ma soupe, non, y'a pas de goût de carotte. Y'a trop d'MC, comique à la garden malais. Moi, je compte bien garder le mic et prendre la balle et marquer. Les jaloux, on bosse marré. Tous les jours, je bosse ma rime. C'est dans la boue qu'ils vont se noyer. Car vendre à faire pas de boss, bah ouais, que des MC. Avec des styles qui font la différence, qui réunissent les flots afin de poser que des gros sons féroces. Tu sais pas d'où j'ai surgi, y'a pas d'où j'ai juré. Que mes sons vont tout niquer comme le mois d'août et juillet. Moi, je rappe pour les miens, je tire la balle part. Je te rappe pas le micro dans la main, moi. Quand je pose le rap, on fait du rap, c'est pas récent. Du lourd, c'est par ici. C'est pour les frères et sœurs pour qui on n'est pas paresseux. Mon rap paraît sale, hein. Ni parle, hein. J'attends la balle et je frappe et sans lucarne qu'elle parle. On fait du rap, c'est pas récent, du lourd, c'est par ici. C'est pour les frères et sœurs pour qui on n'est pas paresseux. Mon rap paraît sale, hein. Ni parle, hein. J'attends la balle et je frappe et sans lucarne qu'elle parle. Mon rap est magique comme le Paris Saint-Germain. Viens par ici, ça germain. Tiens le niveau d'humain, tiens mes rivaux et moi. Je fais des rimes en surpoids qui surprend les pointures et fait trembler ta turvoie. Quand je pose, tu dis, c'est qui ce phénomène? Oui, on le fait nous-mêmes, en fait l'état nous-mêmes. Bateau donc pas trop, un peu comme l'ont fait nos mères. La thune est éphémère, donc c'est rare qu'on fête Noël. C'est pas du Jack Brel, mais la galère ne me quitte pas la Jack. Pleine, on est des prêts, si on la kick pas à chaque 16. Moi je fais en sorte que mes rimes te parlent. Non pas des cris à deux balles, la prod écrit des deux balles. J'essaie de rester précis, pas comme la porte et sa météo. Pressé de voir la chance pour la porte et monter haut. Mais t'es un ouf, moi je veux décrocher le gros lot. Car t'étais où, quand dans la merde on nage le gros. On fait du rap, c'est pas récent, du lourd c'est par ici. C'est pour les frères pour qui on n'est pas paresseux. Mon rap paraît sale, hein. Ni parle, hein. J'attends la balle et je frappe et sans lucarne qu'elle parle. Mais du rap c'est pas récent, du lourd c'est par ici. C'est pour les frères et sœurs pour qui on n'est pas paresseux. Mon rap paraît sale, hein. Ni parle, hein. J'attends la balle et je frappe et sans lucarne qu'elle parle. Je veux pas sombrer à la lumière, je veux pas sombrer sous la lune, merde. En plus je suis pas d'humeur donc je t'explique le résumé. Il faut des thunes, ouais. Sois pas têtu mec, à part ton spliff, c'est ta vie qui se consume. Eh, je vois que tu rétrogrades. Donc ton rétro regarde la vie est déjà trop crade. Donc évite tous ces gros schlags. Ma jeunesse à l'écro comme les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Coincé dans les toits, le nez dans les affaires shitcock. Tu sens la patate à chaque mesure tu perds une chico. Et tu sens la patate à chaque fois que je fume mon shit gramme. Et j'ai besoin de ça car j'ai un tas de feuilles à noircir sa mère. Et je rêve de sommes identiques au salaire de Nasri Samir. Viens par ici, ça sent la zeb et pas le peuplier. Tu veux connaître la merde, t'es mal le peuplier. Mon rap est aussi net qu'un billet peuplier. Je veux passer de l'ombre à la lumière, toi même tu sais qu'on peut briller. On fait du rap, c'est pas récent, du lourd, c'est par ici. C'est pour les frères et sœurs pour qui on n'est pas paresseux. Mon rap paraît sale, hein, ni parle, hein. J'attends la balle et je frappe et sans lucarne qu'elle parle. On fait du rap, c'est pas récent, du lourd, c'est par ici. C'est pour les frères et sœurs pour qui on n'est pas paresseux. Mon rap paraît sale, hein, ni parle, hein. J'attends la balle et je frappe et sans lucarne qu'elle parle. Eh ouais, mon pote, RIFA, cousin, 8900, sub 200, ça reste pas là. Omar Tiss à la prod. Check it out.